Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Les Désaxés, film maudit par excellence, réalisé par John Huston en 1961. Même au royaume du rêve, les cauchemars ont la vie dure. Quelques-uns d'entre eux tissent d'ailleurs la légende noire d'Hollywood. L'histoire du tournage des Désaxés en est l'un des plus célèbres. Pour résumer simplement l'intrigue du film, il faut repartir de son titre particulièrement évocateur, Les Désaxés, ou en anglais, The Misfits, c'est-à-dire Les Malfoutus. Le scénario, écrit par le dramaturge Arthur Miller, nous plonge à Reno, dans le Nevada des années 50. Roselyne, interprétée par Marilyn Monroe, est une jeune divorcée qui se lie d'amitié avec trois cow-boys esselés, joués par Clark Gable, Eli Wallach et Monty Clift. Ambiance nocturne, rodéo cheap, déserts arides et infinis, maisons inachevées, silhouettes désabusées, le décor concentre tous les enjeux du film. Les Désaxés ne savent où aller, ni avec qui. Ensemble, pourtant, ils racontent la fin d'une ère, celle du mythe du cow-boy libre dans la nature et du Grand Ouest américain. On dit souvent que c'est la meilleure interprétation de Marilyn Monroe. Ce sera aussi son dernier film achevé, comme pour Clark Gable, son partenaire à l'écran. La mort tragique des deux grandes stars d'Hollywood donne ton film un goût de cendre et le hisse dans le même temps au rang d'œuvre culte. Notre invité aujourd'hui, le journaliste et critique Serge Toubianard, ancien directeur des Cahiers du cinéma et de la Cinémathèque française, actuel président d'Unifrance. En 1999, il a publié un livre de référence sur le sujet intitulé « The Misfits, chronique d'un tournage par les photographes de Magnum ». Enquête Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Pinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles. Sur France Inter. Mercredi 20 juillet 1960, Nevada, États-Unis. Sur le tarmac de l'aéroport de la ville de Reno, sous une chaleur accablante, une petite foule piaffe d'impatience. Tous ont sorti leurs habits du dimanche, jeunes filles aux gants blancs, robes 60s et costards pour ces messieurs. Car ici, en plein cœur du désert américain, à 750 km au nord de Las Vegas, on attend la plus grande star du monde, Marilyn Monroe. Depuis quelques semaines, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de paillettes. L'icône hollywoodienne vient à Reno tourner son prochain film, The Misfits, Les Désaxés en français. Parmi les 200 personnes présentes ce jour-là, au milieu des caméras et des appareils photo, il y a le scénariste Arthur Miller, qui est aussi son mari, le réalisateur oscarisé John Huston et le producteur Frank Taylor. L'avion se pose, Marilyn est accueillie comme une reine en son royaume. Tout de blanc vêtue, un bouquet de roses rouges à la main, elle salue la foule d'un large sourire. Elle est suivie par son intendance, son coach Paula Strasberg, sa secrétaire, son masseur, son maquilleur attitré, sa coiffeuse, sa doublure lumière, toute une cour. Selon la tradition, le maire de Reno lui remet les clés de la ville, au propre comme au figuré. Il lui dit « Vous êtes ici chez vous, Miss Monroe ». Debout à l'arrière d'une décapotable, la star entame une longue parade à travers la plus petite grande ville du monde, comme l'indique le panneau lumineux surplombant la rue principale. Avec l'ensemble de l'équipe de tournage, elle pose ses valises au luxueux Maps Hotel. La veille, c'est l'acteur Clark Gable, The King, comme on l'appelle alors, qui a fait son entrée triomphante au volant de son coupé Mercedes aux ailerons pointus. Ils sont bientôt rejoints par les acteurs Eli Wallach et Montgomery Clift. Le casting est au complet, la grande aventure des Désaxés peut commencer. L'histoire de ce film débute 4 ans auparavant, ici même, dans ce désert aride du Nevada. Au printemps 1956, le dramaturge Arthur Miller loue un petit cabanon isolé au bord de Pyramid Lake, à une centaine de kilomètres de Reno. La petite sœur de Las Vegas, connue pour ses casinos et ses néons multicolores, est aussi la capitale américaine du divorce. Oui, la législation est plus souple qu'ailleurs, à condition d'y résider au minimum 6 semaines. Parfait pour Arthur Miller, qui veut divorcer au plus vite de sa première femme afin d'épouser sa maîtresse, l'actrice Marilyn Monroe. L'intellectuel new-yorkais découvre alors ce grand ouest américain aux antipodes du mythe. Un monde peuplé de pauvres cow-boys solitaires, fatigués et perdus, très loin des figures triomphantes de Gary Cooper ou de John Wayne. Témoin d'un autre temps, il se saoule dans des bars miteux avant de se jeter dans l'arène du rodéo. De ces rencontres d'infortune, Arthur Miller en tire une nouvelle, The Misfits, traduit en français par Les Désaxés et publié un an plus tard dans le magazine américain Esquire. Dans son autobiographie Au fil du temps, une vie, publiée chez Grasset en 1988, Arthur Miller résume ainsi l'intrigue. C'est l'histoire de trois hommes qui ne parviennent pas à trouver un foyer sur cette terre et qui, pour faire quelque chose, capturent des chevaux sauvages destinés aux abattoirs et aux conserves pour chiens. Et d'une femme, aussi perdue qu'eux, mais dont le sens intact du caractère sacré de la vie suggère que l'existence n'est pas vaine. C'était un sujet sur l'indifférence, celle que j'avais ressentie non seulement dans le Nevada, mais dans le monde actuel. Nous étions effarés par notre impuissance à contrôler nos existences et le Nevada représentait simplement un lieu parfait pour notre perte collective. De retour à New York le 29 juin 1956, Arthur Miller épouse en secondes noces Marilyn Monroe, âgée de 30 ans. La star platine est alors au sommet de sa gloire. Consacrée par les succès planétaires des Hommes préfèrent les blondes d'Howard Hawks et de Comment épouser un milliardaire de Jean Negulesco et plus récemment de 7 ans de réflexion de Billy Wilder. Un film et une scène iconique qui la font entrer de son vivant dans la légende. La robe blanche qui se soulève, emportée par le souffle du métro new-yorkais. Marilyn pourtant désespère de ses rôles de blonde sexy et ingénue. La Century Fox, avec qui elle est en contrat, ne lui propose en effet que des comédies légères, elle qui rêve d'un grand rôle dramatique. Ses ambitions sont raillées par une partie de la presse populaire qui ne voit en elle que ce qu'elle a bien voulu montrer jusqu'à présent, un corps plantureux et un sourire de façade. À ses difficultés professionnelles s'ajoute un drame intime qui la fragilise un peu plus encore. À l'été 1957, un an après son mariage, Marilyn tombe enceinte d'Arthur Miller. Un vrai bonheur pour celle dont l'enfance fut marquée justement par l'absence de ses parents. Mais victime d'une grossesse extra-utérine, elle est hospitalisée en urgence et apprend qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant. C'est à l'hôpital, auprès de sa femme éplorée, que Miller a l'idée justement d'adapter sa nouvelle Les Désaxés pour le cinéma comme un cadeau d'amour. En lui écrivant un rôle sur mesure et à la mesure de son talent, il veut lui redonner le goût de vivre et prouver au studio hollywoodien qu'elle a l'étoffe d'une comédienne intelligente et sensible. Pendant plus d'un an, Arthur Miller s'attelle donc à l'écriture du scénario de Désaxé. S'il avait jusque-là toujours refusé d'écrire pour le cinéma, il s'y adonne avec passion. Sous ses mots, les quatre personnages de sa nouvelle prennent vie. Il est d'abord Jay Langland, homme à femme, cow-boy grisonnant qui chasse les derniers chevaux sauvages de l'Ouest. À ses côtés, Guido, un ancien pilote traumatisé par la guerre et par la mort prématurée de sa femme. Pierce Holland, lui, est un jeune éleveur dépossédé de son domaine, traînant son visage défiguré de ville en ville, de rodéo en rodéo. Au milieu de ces hommes meurtris, apparaît alors Roselyne, jeune divorcée, femme-enfant, dont le regard tragique bouleverse tous ceux qui l'approchent. Ensemble, ils vont former une petite communauté isolée dans l'immensité du Nevada, un triangle amoureux uni par la difficulté de vivre. Marilyn sera donc Roselyne, un double d'elle-même, une sœur. Même enfance difficile, mêmes angoisses, même solitude, même sentiment d'abandon. Alors, face à ce personnage qui lui ressemble un peu trop, Marilyn hésite. Pour la convaincre, Arthur Miller propose de confier le scénario au réalisateur John Huston, qui vient d'enchaîner une décennie de succès de Moulin Rouge à Moby Dick. En 1950, il fut l'un des premiers à faire tourner Marilyn Monroe dans son film Asphalt Jungle. Dans le documentaire Marilyn Monroe and the Making of the Misfits, réalisé en 2002 par Jay Levin et diffusé sur Channel 4, Arthur Miller revient sur sa décision de travailler avec ce réalisateur, aventurier et franc-tireur. John était l'une des rares personnes en qui Marilyn avait confiance. Il avait été très doux, très gentil avec elle dans Asphalt Jungle. Il pensait qu'elle remontait la pente, qu'elle était une sorte de génie fou. Elle l'aimait parce qu'il respectait simplement son talent. Donc quand j'ai écrit le script, Elle voulait que ce soit lui et je le lui ai immédiatement envoyé. Il a donné son accord. J'ai été très reconnaissant car c'était exactement le réalisateur qu'il fallait pour ce film parce qu'il était lui aussi un désaxé. À l'été 1959, alors que Marilyn Monroe termine le tournage du nouveau film de Billy Wilder, certains l'aiment chaud, Arthur Miller, John Huston et leur producteur et ami Frank Taylor réfléchissent au casting idéal pour incarner ces trois cow-boys en mal de vivre. Eh bien, tous leurs souhaits seront exaucés. Clark Gable, 59 ans, la plus grande star des débuts du cinéma parlant, accepte d'incarner à l'écran Jay Langland, le vieux playboy. Eli Wallach, 45 ans, interprétera l'ancien soldat Guido. Tandis que le rôle de Pierce Holland revient à Montgomery Clift, ex-jeune premier d'Hollywood, dont la vulnérabilité a révolutionné le statut viril de l'acteur et du héros américain. C'est d'ailleurs lui que Miller et Huston auront le plus de mal à imposer. Les compagnies d'assurance rechignent à assurer l'acteur depuis son terrible accident de voiture, survenu 2 ans plus tôt, qui l'a défiguré et qui a aggravé ses pulsions autodestructrices. Scénaristes et réalisateurs obtiennent finalement gain de cause. Sous l'égide de la prestigieuse société de production United Artists et au vu de ce casting 4 étoiles, le financement du film est assuré. 3,5 millions de dollars, un budget raisonnable pour l'époque. Mais le projet n'est pas sans risque. Contrairement à la majorité des films hollywoodiens, Les Désaxés ne sera pas tourné en studio, mais quasiment exclusivement en extérieur, dans les déserts du Nevada et à Reno. Autre particularité, Huston fait le choix du noir et blanc, alors que la couleur est déjà la norme à Hollywood. Un parti pris esthétique proche du documentaire confié au talentueux et respecté chef opérateur Russell Metty. Enfin, pour compléter cette production atypique, il faut ajouter la venue de quelques plus grands photographes de l'époque. Le producteur Frank Taylor signe avec l'agence Magnum, coopérative de photographes créée en 1947 et basée à Paris, un contrat d'exclusivité. Les photographes de plateau s'appellent alors Henri Cartier-Bresson, Inge Morath, Evernold, Elliot Erwitt ou Bruce Davidson, pour ne citer qu'eux. Témoins privilégiés de ce film hors norme, ils se relaient tous les 15 jours par équipe de 2 afin de couvrir l'intégralité du tournage, ce qui donne des centaines de clichés à la beauté saisissante. Dans le livre d'Evernold, Marilyn Forever, publié chez Albin Michel en 1987, le français Henri Cartier-Bresson se souvient de sa rencontre avec Marilyn Monroe. La première fois que je la vis, en chair et en os, j'en fus saisi comme par une apparition dans un conte de fées. Eh bien, elle est belle. Cela, tout le monde peut le remarquer. Et elle incarne le mythe de ce qu'en France nous appelons la femme éternelle. Par ailleurs, il y a quelque chose d'extrêmement vif et éveillé en elle, une intelligence. C'est sa personnalité, un regard, quelque chose de très subtil, de très vif, qui disparaît rapidement, pour réapparaître de nouveau. Sur le papier, Les Désaxés est donc une merveilleuse promesse. Gloire d'Hollywood à la réalisation, dramaturge renommée au scénario, des acteurs stars et une production haut de gamme, tout y est. En réalité, mais sans doute est-il plus facile de dire cela a posteriori, tous les facteurs sont réunis pour faire de cette aventure une épopée tragique. Pour l'heure, le 20 juillet 1960, lorsque Marilyn Monroe débarque à Reno, l'atmosphère est idyllique. Toute l'équipe prend ses quartiers au Maps Hotel, qui abrite également un casino. John Huston, joueur notoire, y trouve immédiatement ses habitudes. Plusieurs chambres se transforment en bureaux pour la production, mais aussi en salle de montage. Le film étant tourné dans l'ordre chronologique, les monteurs proposent chaque matin au réalisateur un bout à bout du film en devenir. Action. Cut. Le premier jour de tournage, qui correspond donc à l'ouverture des Désaxés, met en scène Marilyn Monroe. Son personnage, Roselyn, tout juste débarquée à Reno pour divorcer, se prépare chez sa logeuse Isabelle, interprétée par Thelma Ritter. Sur les marches du palais de justice, face à son mari, Roselyn est bouleversée, elle cherche ses mots. À l'image de l'actrice qui a bien du mal à réciter son texte, elle est à peine audible, comme en témoigne son partenaire Kevin McCarthy dans le documentaire Marilyn Monroe and the Making of the Misfits. We did the first take. She couldn't, not a take, but a rehearsal. She couldn't get all the lines done. Nous avons fait la première prise, mais on n'arrivait pas à enregistrer, et elle ne parvenait pas à dire son dialogue. Cela est arrivé peut-être 6 ou 7 fois, et mon rôle est tombé à l'eau. J'essayais vraiment de faire mon travail, mais je me suis interrompu, et avec le temps, je ne savais plus comment jouer ma scène. Elle parvient finalement à monter les marches et arriver devant moi. Et Houston dit, « Je ne peux pas entendre, je n'entends rien. Est-ce qu'elle dit toutes ses répliques ?» Alors il dit, « J'ai une idée, mettons un câble le long de la jambe de Kevin avec un micro sous sa cravate. » Donc, tu ne pourras pas bouger, Kevin. Tu te tiens droit devant elle, dos à la caméra. Ok, je vais le faire. Mais elle n'y arrivait toujours pas. Et elle a refait la scène peut-être 17 fois. Mais il en sort ainsi pendant tout le tournage. En plus de ses difficultés à mémoriser le scénario, Marilyn prend l'habitude d'arriver perpétuellement en retard. John Huston repousse même l'heure d'arrivée des acteurs sur le plateau, en vain. Sous la chaleur accablante du Nevada en plein été, plus de 40 degrés, l'équipe l'attend de longues heures quand elle ne vient pas, tout simplement. La photographe Eve Arnold se souvient que le sujet de bavardage était toujours le même. Marilyn allait-elle travailler aujourd'hui? Lorsqu'elle apparaît finalement, elle est bien souvent l'ombre d'elle-même. À cette époque, l'actrice est entrée dans une phase de dépression sévère. En proie au doute, elle avale des quantités impressionnantes de barbituriques, des pilules pour dormir, des pilules pour se réveiller, des pilules partout. Sous la lumière crue du soleil, elle a les traits bouffis, le regard absent, la mémoire qui flanche. Dans sa biographie, Huston souligne cependant que lorsqu'elle redevenait elle-même, alors là, elle était merveilleuse. Elle ne jouait pas, non, elle vivait vraiment son rôle. Il était tellement navrant de la voir se détruire. Pour ne rien arranger, son texte est quotidiennement modifié par son dramaturge de mari. Et jour après jour, le couple se délite, comme le texte. 4 ans se sont écoulés depuis qu'Arthur Miller lui a écrit ce rôle. Ce devait être une offrande à Marilyn. Il devient un calvaire pour elle et pour celui qui l'a conçu. Sur les photos où l'on voit Marilyn et Miller côte à côte, on sent bien comme une indifférence, oui, voire une froideur. Miller a souvent l'impression d'assister au tournage comme un témoin étranger. Marilyn, elle, est souvent seule, le visage douloureux. Elle retrouve son sourire lorsqu'elle est avec Clark Gable, en revanche, avec Eli Wallach ou avec Monty Clift. Même au pire moment du tournage, elle entretient avec ses partenaires une réelle complicité. Triste ou gaie, seule ou entourée, enjouée ou anxieuse, la dualité de Marilyn, c'est bien ce qui transparaît de manière la plus flagrante sur ses photos de tournage. À travers ce scénario, Arthur Miller livre une troublante mise en abîme de la fragilité de sa femme. Comme dans cette scène où Jay Langland, interprété par Clark Gable, voit au-delà de la gaieté forcée de Roselyne. Vous êtes vraiment magnifique, vous savez. Je dirais presque que c'est un honneur d'être à côté de vous. Rien que vous voir, j'en suis tout ébloui. C'est vrai ce que je vous dis, Roselyne. Mais pourquoi êtes-vous si triste? Vous êtes la fille la plus triste que j'ai jamais connue. Vous êtes bien le premier à me dire ça. Les hommes prétendent que je respire la joie. C'est parce qu'avec vous, la vie paraît belle. Sur ces photos de tournage, un autre détail saute aux yeux. Un étrange personnage, à vrai dire. Une petite silhouette sombre, vêtue d'une multitude d'oripeaux, d'épaisses lunettes noires et d'un improbable chapeau-cloche. Jamais très loin de Marilyn Monroe, il s'agit de son coach, Paula Strasberg. Avec son mari, Lee Strasberg, il dirige le célèbre Actor Studio de Los Angeles. Depuis 4 ans, c'est elle qui accompagne l'actrice sur tous les tournages. Ici, dans le Nevada, Paula Strasberg ne la lâche pas d'une semelle, portant d'une main un script annoté, de l'autre un gigantesque cabas rempli de livres, thermos de café, encas, pharmacies et flacons divers. Sur le plateau, son influence affichée, son allure grotesque lui valent le surnom de « Baron Noir », son insuffisance aussi. En réalité, elle devient le cauchemar de Houston et Miller. Car réalisateurs et scénaristes doivent obligatoirement passer par elle pour s'adresser à Marilyn. Pire encore, à la fin de chaque scène, lorsque Houston crie coupé, l'actrice ne se retourne plus vers son réalisateur, non, vers Paula. Sorte de gourou autoritaire, elle exerce une très forte emprise sur sa protégée, ce qui exacerbe un peu plus encore les tensions au sein du couple Monroe-Miller. Bientôt, le tournage vire au chaos et forcément, il accuse un sérieux retard sur le planning. John Huston, lui, passe ses nuits au casino du Maps Hotel, verre de whisky à la main et ça n'a rien d'impeccable. Ce n'est d'ailleurs un secret pour personne. Le réalisateur est un fou du jeu. Cela fait partie de sa réputation et de sa légende. Certains soirs, il perd jusqu'à 20 000 dollars, qu'il regagne au petit matin avant d'enchaîner toujours aussi élégant sur sa chaise noire de metteur en scène. Le 27 août 1960, un mois après le début du tournage, Marilyn Monroe, anéantie, est hospitalisée dans une clinique de Los Angeles. Les caméras sont à l'arrêt, les techniciens en congé forcé, les désaxés rentrent chez eux. La grande aventure du western crépusculaire de John Huston et d'Arthur Miller est un naufrage. Parviendront-ils à sauver l'équipage ? He's not so good in a crowd, but when you get him alone, surprised. He isn't much at a dance, but then when he takes you home, you'd be surprised. He doesn't look like much of a lover. Don't judge a book by its cover. He's got the face of an angel, but there's a devil in his eye. He's such a delicate thing, but when he starts in the squeeze, you'd be surprised. He doesn't look very strong, but when you sit on his knee, you'd be surprised. At a party or at a ball, I've got to admit, he's nothing at all, but in a Morris chair, you'd be surprised. Doesn't look like much of a lover. Don't judge a book by its cover. 'Cause he's got the face of an angel, but this one's a real danger. C'est à Reno, la ville du jeu et du divorce, que Misfits, que les désaxés ont été tournés pendant l'été de 1960. L'équipe du film sentait la joie. Marilyn réalisait son rêve, tournait dans une œuvre de son mari. C'était la première fois qu'elle tournait avec Gabon. Dans Misfits, qui offrait à Marilyn un rôle à sa mesure, Huston avait voulu une distribution brillante. Clark Gable, Montgomery Clift et Ellie Wallach. L'été 60 fut un été très chaud. Les Misfits quittèrent bientôt Reno pour aller se transporter dans le désert. Dayton, la ville fantôme des westerns, en plein désert sur le lac desséché d'Alcali ou dans Quail Canyon, il fallait 3 heures de voiture pour se rendre tous les matins sur les lieux de tournage. En juillet et en août, le thermomètre montra à 53 degrés. C'est à peu près à cette époque que les choses n'iront plus. Mercredi 6 septembre 1960, Nevada, États-Unis. Sur le tarmac de l'aéroport de la ville de Reno, c'est la même scène que la foule rejoue un mois et demi après le début du tournage des Désaxés, le film de John Huston. Ces gens attendent impatiemment que leur actrice Marilyn Monroe repose pied sur terre, ici, au Nevada. Hospitalisée en urgence pour grave dépression, elle est de retour 12 jours plus tard, prête à reprendre le travail, plus lumineuse que jamais. Alors que la presse locale est venue célébrer son retour, elle aurait répondu à un journaliste lui demandant ce qu'elle portait pour dormir, numéro 5 de Chanel. Pourtant, elle n'en a pas fini avec ses démons, et le tournage qui reprend est encore plus difficile qu'à ses débuts. À Pyramid Lake, la grillesse salée au paysage lunaire, les 50 degrés du mois d'août ont laissé place à des bourrasques de vent froid. Les violents nuages de poussière obligent régulièrement à suspendre les prises de vue. Les fines particules de sel qui s'élèvent du site irritent les yeux et la gorge. John Huston contracte une bronchite, et le tournage est à nouveau interrompu pendant quelques jours. Le budget explose, tandis que Clark Gable, qui tourne ici ses scènes les plus dangereuses, est épuisé. Le King d'Hollywood, 59 ans, ce qui n'est pourtant pas vieux, insiste quand même pour réaliser ses propres cascades. Debout à l'arrière d'un tracteur lancé à pleine vitesse ou traîné au bout d'une corde sur plusieurs mètres, il enchaîne ainsi les prises des dizaines de fois, le visage défait, le corps endolori. Marilyn Monroe, elle, se fait toujours attendre, plus absente que jamais. Mais John Huston s'accroche, il ne lâche rien. Ses dernières scènes de chasse au lasso sont pour lui les plus importantes du film. Plan aérien, chevaux lancés au triple galop, tension à son paroxysme, il déploie ici toute l'étendue de son talent de cinéaste. Puis c'est au tour de Marilyn Monroe d'entrer dans l'arène. Une splendide scène où elle hurle « petite chose » au milieu du désert, sa haine des hommes partis tuer les derniers Mustangs. Elle, qui a tant besoin de croire en la vie, ne rencontre sur son chemin que de tristes cow-boys qui l'entraînent vers la mort. Perte de temps, perte d'argent, échecs collectifs et drames intimes. Le 24 octobre 1960, l'équipe du film quitte le Nevada, exsangue. Elle se retrouve à Hollywood sur le plateau des studios Paramount pour filmer quelques scènes qui nécessitent de légers trucages. Sur les photos prises ces derniers jours, l'atmosphère est assez sombre, mélancolique. Tous semblent attendre la fin du film comme une délivrance. Le 4 octobre 1960, après un mois et demi de tournage et quelques 40 jours de retard, John Huston tourne la dernière scène des désaccès avec Clark Gable et Marilyn Monroe. Une seule prise suffit, puis tout le monde quitte le plateau, sans applaudissements ni cotillons. La suite, c'est l'acteur Eli Wallach qui le raconte dans le documentaire Marilyn Monroe and the Making of Misfits, réalisé en 2002 par Jay Levin. Il n'y a pas de fin. Elle dit « Comment rentrons-nous à la maison ?» et il répond « Suivons cette étoile et nous y arriverons. » Moi, le lendemain, je prends l'avion pour rentrer chez moi et là, le pilote annonce à tout le monde que l'acteur Clark Gable vient d'avoir une crise cardiaque. J'ai pensé « Oh mon Dieu, mais comment ? Il était en forme durant toutes les scènes physiques, il a même fait un régime pour. » Et le président Eisenhower l'a appelé et lui a dit « Écoute, je viens d'en avoir une, tu vas la surmonter. Et juste une attitude positive et tu vas t'en sortir. » Effectivement, Clark Gable s'accroche. Mais le 16 novembre 1960, après 10 jours d'hospitalisation, il est victime d'une seconde attaque, mortelle celle-là. Avec près d'une centaine de films à son actif, c'est une icône de l'âge d'or du cinéma hollywoodien qui disparaît. C'est à un règne de près de 30 ans sur tous les écrans du monde que vient de mettre fin la mort subite de Clark Gable. Une crise cardiaque a terrassé à l'âge de 59 ans celui que l'on appelait le roi de Hollywood. Clark Gable avait été aussi le Major Gable. La dernière guerre l'avait vu gagner ses galons comme apprenti canonnier, puis dans une unité de l'armée de l'air. Image fugitive du soldat qui s'efface devant celle de la vedette aux 90 films. Aujourd'hui, Hollywood, qui pourtant, dit-on, n'a pas le cœur tendre, pleure son héros préféré. et avec Hollywood, des millions de spectateurs. Dans les jours qui suivent, les clichés du tournage des désaxés prises par les photographes de l'agence Magnum font le tour du monde. À la une, les derniers jours de Clark Gable. Au même moment, les écotiers annoncent la séparation de Marilyn Monroe et d'Arthur Miller, qui divorcent en janvier 1961, deux mois après la fin du tournage. Deux semaines plus tard, Miller épouse en troisième et dernière noce la photographe Inge Morath, rencontrée sur le tournage. Mort subite et séparation médiatique, avant même sa sortie en salle, le film de John Huston se pare d'une aura tragique. Le 1er février 1961, le film Les Désaxés sort sur les écrans américains. Le producteur Frank Taylor le présente alors comme un chef-d'œuvre absolu, le film hollywoodien ultime. Il s'attend à des retombées financières considérables. Perdu. Le film est un échec critique et commercial. L'exploitation américaine rapporte seulement 4 100 000 dollars, à peine plus que le budget du film. Mais la légende noire des désaxés ne s'arrête pas là. Après le film, l'acteur Monty Clift poursuit sa lente agonie entre whisky et analgésique. Sur le tournage du film, Marilyn Monroe disait de lui qu'il était le seul être qui soit encore plus perdu qu'elle. 6 ans et 3 films plus tard, une nuit de juillet 1966, il meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 46 ans. Mais celle qui élève définitivement les désaxés au rang de film culte, c'est bien sûr Marilyn Monroe, celle pour qui toute cette histoire fut écrite. Peu de temps après la fin du tournage, elle enchaîne sur le nouveau film de George Cukor, Something's Got to Give. Son 32e film restera à jamais inachevé. Le 5 août 1962, elle est retrouvée morte à son domicile, gavée de barbiturique et de puissants laxatifs. Première artiste sacrifiée sur l'autel du showbiz, victime de son image, sa mort à l'âge de 36 ans transforme sa vie en mythe. Le 15 avril 1988, Arthur Miller est l'invité de l'émission Apostrophe à l'occasion de la sortie en France de son autobiographie intitulée « Au fil du temps, une vie ». Presque 30 ans plus tard, apaisé, il se retourne une dernière fois sur l'avenue, l'aventure maudite des désaxés, le chant du cygne de son ex-épouse. Ok, aime-moi. Ça me quitte maintenant, d'accord? Oui, oui, d'accord, c'est vrai. Oui, fais-moi confiance, chérie. Nous aurons une ferme. J'élèverai du bétail. Dans le fond, je suis un type bien, Roselyne. Tu rencontreras même jamais mieux. Demain, dans la montagne, tu verras ce que je sais faire. Il n'y en a pas beaucoup d'aussi à droite, le vieux gay. Attends et tu verras. Aidez-moi. C'est quand même inouï, Arthur Miller, de penser que cet appel au secours, c'est vous qui l'avez écrit. C'est inouï. Oh, I'm not. I don't feel guilty about Marilyn. I feel. Je ne ressens pas de culpabilité à l'égard de Marilyn. That she. I still feel that there must have been some way that she could have avoided. J'ai toujours l'impression que. Elle aurait pu éviter cette mort prématurée, mais je ne sais pas comment. Cela dit, j'ai fait ce que je pouvais. Donc, je ne me sens pas personnellement coupable. Et je crois qu'il ne m'incombait pas de faire plus que ce que j'ai fait. Bien d'autres personnes se sont efforcées d'intervenir de façon moins énergique. Les médecins, mais ils n'y ont pas réussi. L'Ouest était un cimetière, les désaxés, une autopsie. Le personnage de Roselyne sera la dernière image que nous avons de Marilyn Monroe sur un écran. L'image d'une grande actrice brûlée par ce film à la beauté fulgurante. John Huston aura su capter pour une ultime fois les visages de ces acteurs en train de disparaître. Une danse avec les morts qui fait des désaxés le plus beau film des fantômes du cinéma américain. When, petite sœur, we'll just have to remember I'll be down no more, the old dancing music sound, all day long in my gown, when I will be down. Quand je serai KO, descendu des plateaux de phono, poussé en bas par des plus beaux, des plus forts que moi. Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? Attention, plus personne, porteur de glace de chewing-gum. Plus de belle allure, chevaux glissant sur la côte d'Azur. Quand je serai pomme dans les souvenirs, les albums, est-ce que tu laisseras ta main sur ma joue posée comme ça? Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? When, petite sœur, we'll just have to remember. I'll be down no more, the old dancing music sound, all day long in my gown, when I will be down. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'histoire du film Les Désaxés avec notre invité, le journaliste et critique Serge Toubiana. Bonjour. Bonjour. Ancien directeur des Cahiers du cinéma et de la Cinémathèque française. Vous êtes l'actuel président d'Unifrance qui promeut le cinéma français à l'étranger, hein, c'est bien ça. En 1999, vous avez publié un livre de référence sur notre sujet de Misfits, chronique d'un tournage par les photographes de Magnum. Dans cet ouvrage, vous retracez le film de ce film. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce travail sur ce film-là? Pourquoi? Parce que je suis tombé sur un trésor qui était les nombreuses photos des photographes de Magnum qui ont couvert ce tournage en 1960. Et c'est un cas unique dans l'histoire du cinéma où une agence comme Magnum, aussi prestigieuse que Magnum, avait l'exclusivité de couvrir tout le tournage du film de John Huston. Donc on a à l'agence Magnum à Paris, grâce à Agnès Cyr qui dirigeait l'agence à l'époque et qui aujourd'hui dirige la fondation Henri Cartier-Bresson, elle m'a dit, viens voir, on a vraiment toutes les photos du tournage par 9 photographes qui avaient ce contrat d'exclusivité et qui ont donc couvert par équipe de 2 tout le tournage à partir du mois de juillet 60, et le tournage a duré 90 jours au lieu de 50. Le tournage a débordé de partout, ça a été un tournage de crise. Ah oui. Et donc les photos sont sublimes, quoi. Il y a des photos de Cartier-Bresson, d'Eve Arnold, de Inge Morath, de Cornel Capa, de Bruce Davidson, enfin bon, j'en passe. Elliot Erwitt, des très grands photographes qui ont été vraiment aussi près de Marilyn que je suis près de vous aujourd'hui, vous voyez donc. Et à partir de ces photos, je me suis dit, j'ai fait un choix de photos. Grâce à Inge Morath, qui était à l'époque en vie et qui faisait partie de l'agence Magnum, et qui était devenue l'épouse de Arthur Miller, j'ai eu la possibilité et le bonheur d'aller rencontrer Arthur Miller, qui est donc le scénariste de Misfits, et l'ancien mari de Marilyn Monroe, qui m'a accordé un entretien dans sa maison du Connecticut. Pour moi, j'ai eu le sentiment de dérouler un fil et d'attraper ce film mythique par les photos. Alors justement, puisque vous parlez d'Arthur Miller, est-ce qu'il était content du film? Est-ce que les désaxés correspondaient au final à ce qu'il avait imaginé? Vous lui avez posé la question, j'imagine. Bien sûr, j'ai posé la question. Oui, il était content parce que c'est une expérience qu'il a initiée. Tout est parti de lui. L'écriture d'une nouvelle pour Esquire, puis à partir de cette nouvelle, un scénario pour Marilyn, avec laquelle il était marié, et qu'il avait envie de... Il voulait lui faire un cadeau à Marilyn, il voulait lui offrir un très beau rôle. Et puis ce cadeau s'est retourné contre lui, contre elle, contre tout le monde. Donc si vous voulez, quand je suis venu le voir en 1998, je crois que c'était le début décembre 1998, je suis venu avec les photos, je lui ai montré les photos, et j'ai vu quand même de la tristesse dans son regard. Pourquoi? Parce que c'est un mauvais souvenir pour lui. Oui. C'est un mauvais souvenir biographique. Oui. Le tournage a été un cauchemar pour tout le monde. Vous savez, Arthur Miller avait un rapport au cinéma qui était assez lointain. C'est plutôt un dramaturge et un auteur au sens plein du terme. Cette expérience de cinéma a été forte pour lui, il a vraiment initié le film, c'est lui qui a voulu que ce soit John Huston qui en soit le réalisateur. Évidemment, il était ravi que Marilyn accepte, alors qu'elle avait des réserves sur son, sur le personnage, sur le rôle, etc. Mais c'est quand même un souvenir un peu mitigé pour lui. Il était un petit peu... Je voyais son visage triste en revoyant ses photos. Ouais. Quoi. Pour John Huston, comment s'inscrit ce film dans sa filmographie, dans son œuvre? Bon, c'est un des films importants qu'il a réalisé. En même temps, John Huston a fait, je ne sais combien de films. Il a fait tellement aussi. Hein. Tellement. C'était un peu une commande, si on peut dire. C'est Arthur Miller l'a sollicité, il a lu le scénario, il a été emballé. Il voulait plus du tout tourner aux États-Unis, mais il a accepté de tourner ce film dans le Nevada. Il est passé très vite à autre chose. Il avait en attente un projet très ambitieux, qui était La vie de Freud, dont le scénario était écrit au même moment par Jean-Paul Sartre. Le scénario faisait 600 pages, il n'était pas content, donc il attendait que Sartre se remette au travail. Donc il avait un moment, un creux dans sa carrière. Et John Huston a fait autant de bons films qu'il a fait de films de commande, parfois réussis, parfois ratés. Celui-là, les Désaxés, fait pour moi partie des bons films de John Huston. Les Misfits, ou Désaxés, on dit que ça a marqué la fin de l'âge d'or du cinéma hollywoodien. Frank Taylor, le producteur du film, disait d'ailleurs que c'était le film hollywoodien ultime. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, Hollywood, bizarre quand même, Hollywood hein existe encore. Bah oui. Mais oui, enfin, dans l'esprit d'être d'Hollywood, c'est pas... Ça voulait dire que, bon, d'abord, c'est un film en noir et blanc, ce qui est un peu un paradoxe, hein, à cette époque où on est passé en couleur. C'est un film indépendant, c'est pas un film strictement des studios. C'est un film produit par une compagnie qui a produit quelques films, Seven Arts, qui était une filiale de Unité d'Artistes, Artistes Associés, qui était une compagnie extrêmement ambitieuse de films d'auteur, de films de grand cinéma américain. Et c'est vrai que dans la manière même dont ce film a été conçu, à l'origine par Arthur Miller, qui écrit et qui va chercher John Huston, qui a la chance d'être ami avec Frank Taylor, qui est un ancien éditeur qui devient producteur. Mmh. Et ils ont Marilyn qui accepte, donc ils ont des atouts en main. Mais c'est pas un film de grands producteurs, c'est pas un film très cher d'ailleurs en termes de budget. Donc c'est pas un film qui s'inscrit dans la grande tradition des gros films hollywoodiens. Et en même temps, c'est un film qui intervient à une époque où la télévision commence à être vraiment très puissante aux États-Unis. Mais oui. Le cinéma hollywoodien est en crise, il y a eu des gros films à gros budget qui ont été des gros flops. Au même moment, ou presque à peu près à la même période, Hitchcock tourne Psychose en noir et blanc, pareil pour la télévision, petit film à petit budget qui fait un succès mondial. Voilà. Donc vous voyez, c'est une époque où Hollywood est en train de chercher une nouvelle façon de faire des films moins chers avec des stars. Et c'est quoi ce choix du noir et blanc? Alors qu'on est dans le triomphe de la couleur, ouais. C'est audacieux, c'est une contre-programmation, qu'est-ce que c'est? Ben moi, je pense que c'est un choix esthétique très fort. D'abord, tout à fait justifié à mon sens, ouais. Par rapport au sujet, par rapport au paysage, par rapport à la densité du film, à sa couleur un peu dramatique. Enfin, on va dire que c'est un film quand même qui va chercher profondément dans les âmes et dans les corps quelque chose de triste, quoi. Il y a une espèce de, comme le disait Arthur Miller, c'est un film qui pourrait se passer sur la Lune. Bon, c'est dans le désert du Nevada, c'est non loin de Reno. La Reno, c'est la ville de base du tournage, mais ils vont tourner très loin, là où il y a les chevaux sauvages. Et il y a quelque chose de lunaire, de crépusculaire, de morbide, quoi, dans ce film. Et je crois que le noir et blanc sert bien cette cause esthétique du film, si vous voulez. Arthur Miller, on l'a dit, avait une conscience politique. On pense notamment à sa pièce Les sorcières de Salem, qui dénonce le maccartisme, la chasse aux sorcières. Un constat particulièrement sombre de l'Amérique d'Eisenhower, de la fin des années 50, des excès de l'individualisme, du manque d'intimité, de communication dans le monde moderne. Voilà ce que recèlerait le film Les Désaxés. Est-ce que vous pensez qu'il y a cette critique sociale, si on va avoir une analyse critique autour de ce film? Oui. Arthur Miller, sachant d'où il vient, lui-même a été victime du maccartisme, il a été interrogé, il a refusé, il a été très courageux à cette époque-là, au milieu des années 50, et c'est pour ça que ça fait partie de sa notoriété et de sa gloire, et c'est pour ça que Marilyn est fascinée par lui aussi. Elle sait que c'est un intellectuel new-yorkais, elle se sent très proche de New York, elle a envie d'être à New York, elle n'aime pas beaucoup Los Angeles, c'est là aussi qu'elle a rencontré Lee Strasberg et sa femme Paola Strasberg, donc elle a très envie d'être une new-yorkaise, d'être une intellectuelle. De la côte Est, l'intellectuelle de la côte Est. Voilà, elle est fascinée par la côte Est. Puis les Kennedy, c'est ça aussi. Hein, voilà, les Kennedy aussi, un peu plus tard, bien sûr. Plus tard, donc elle est fascinée, elle sait que l'intelligentsia, c'est là, c'est pas là, Hollywood. Mais oui. Donc elle est clivée, si vous voulez. En même temps, c'est à Hollywood qu'elle a fait sa carrière. C'est là qu'elle a quand même aussi... elle s'est bagarrée. Hein. Ça, on le dit pas assez, mais Marilyn, elle s'est battue contre la Fox. Elle a voulu être mieux considérée par un grand studio qui l'a humiliée, qui l'a exploitée. Elle touchait très peu d'argent sur les grands films qu'elle a fait qui ont été des très grands succès internationaux, comme certains Lame Show et d'autres. Voilà, elle s'est battue pour être reconnue. Elle a créé sa propre maison de production. Mmh. Les Marilyn Monroe Productions, c'est quand même... On oublie cet aspect-là de Marilyn. On va l'écouter, puisque vous vous en parlez. L'ancienne secrétaire de Marilyn Monroe, qui livre ses souvenirs à un journaliste de 5 colonnes à la Une, et il l'interroge sur les tenues très sexy de Marilyn. Alors on va dire, mais pourquoi toujours les mêmes... Mais c'est important, évidemment. Est-ce que ça n'a pas été un facteur tout de même très important de son succès? Oui et non, oui et non. Elle avait beaucoup de publicité, mais elle n'avait pas besoin à ce temps de cette publicité. Ça gâtait beaucoup, beaucoup de choses. Pourquoi a-t-elle continué de s'habiller comme cela? Parce qu'elle, c'est une chose très compliquée vraiment d'expliquer, parce qu'elle était tant, elle est encore tant insécure. Pas sûre d'elle? Pas sûre d'elle. Elle avait peur de laisser tomber parce qu'elle elle croyait, elle était sûre, elle a rien d'autre pour remplacer ce sexe. Pour remplacer ce sexe. Pour remplacer, c'était ça. Et c'est très intéressant, vraiment, elle haït sexe. Elle haït, elle a peur de sexe. Quand on dit à Marilyn, you look very sexy, elle n'aime pas. À une autre fille, vous pouvez dire, oh, vous avez l'air très sexy. Yes, I did, elle est très contente. Marilyn, jamais. Mais c'est tout son problème de Marilyn Monroe qui en avait marre de passer pour la belle idiote qui voulait autre chose. Vous parlez cette appétence pour le monde intellectuel. Là, c'est fort ce qu'elle dit ça. C'est très émouvant parce que on voit bien la faille. La déchirure. La faille. Parce qu'elle est, Marilyn a adoré les photographes. C'est pour ça que c'est une star universelle et aujourd'hui encore. Elle est morte en 62. On est en 2017. Elle est encore une icône absolue. Personne n'a atteint le 50 ans après. Quoi. Voilà, 50 ans après. 50 ans après. Et ça reste un mystère, quelque chose. On n'épuise pas ce mystère parce qu'elle a adoré être photographiée. Elle a adoré être dans l'œil des photographes, dans l'œil de la caméra des cinéastes. Et en même temps, elle garde une part à elle, une part d'enfance, une part de fragilité assez malheureuse, assez dans une détresse même. Lié à son enfance, lié au rapport avec sa mère, lié à ce père qu'elle a pratiquement pas connu, tous les pères de substitution qu'elle a voulu avoir, y compris Arthur Miller ou Clark Gable sur le tournage. Elle adore Clark Gable. Elle se sent en sécurité avec lui. Et comme c'était Clark Gable était l'idole de sa propre mère, vous voyez, on est dans un rapport rien n'est profondément oedipien et qui ne se résout pas. Voilà, il y a quelque chose, il y a une maladie qui n'arrive pas à se guérir avec Marilyn. Et c'est bouleversant. Et pendant tout le tournage, elle est sous médicaments, elle fait attendre l'équipe, elle rend les gens foudrage après elle, alors qu'elle est tout simplement d'une très grande vulnérabilité. Alors que c'est la star, tout le monde attend. Huston attend, Arthur Miller attend, Clark Gable attend, Monty Clift attend, tout le monde l'attend et elle n'y arrive pas. Elle est vulnérable, elle est fragile. C'est pas du caprice, c'est bien plus grave que ça. Voilà. Dans la célèbre biographie de Marilyn Monroe, écrite par Donald Spotto, l'auteur fait une sorte de procès imaginaire. Alors au réel, je sais pas, pour lui, Miller et Huston se sont ligués contre Marilyn. Miller lui aurait fait payer les tensions dans leur couple en réécrivant quotidiennement les dialogues des désaxés. Huston, lui, serait un metteur en scène sadique, hein, je reprends ce que dit Donald Spotto, qui met en danger ses acteurs. Ça vous paraît crédible, ça? Non, je n'ai pas l'impression. Hein, je crois que ça, c'est purement du mauvais journalisme, je dirais. Parce que je vois, c'est pas possible sur un tournage que le scénariste, étant Arthur Miller, étant lié à Marilyn, ayant écrit ce scénario pour Marilyn, en s'inspirant de Marilyn, ait voulu régler des comptes. Parce que sur le tournage encore, il espérait sans doute se réconcilier avec sa femme. Et sur les photos des photographes de Magnum, celles de Inge Morath, par exemple, on voit les photos, ils ne sont jamais l'un à côté de l'autre. Ils sont toujours, il y a un espace entre eux. Elle ne veut pas être photographiée avec lui. Elle s'éloigne de lui. C'est touchant, c'est troublant, c'est bouleversant. Et les photographes de Magnum l'ont enregistré, cette distance. Quant à John Huston, vous imaginez un cinéaste qui saboterait son propre film pour le plaisir, par pure cruauté? C'est impensable. Huston a sauvé son film, malgré les difficultés, malgré le temps, malgré le climat, malgré les tensions, malgré les problèmes multiples qu'il a connu durant tout ce tournage de 90 jours. Il a voulu son vaisseau et il l'a sauvé, son film. Son film est réussi du point de vue de la mise en scène, du point de vue du sujet. Oui, j'allais vous poser la question maintenant. Ah, parlons du film et dites-moi, vous, le critique, est-ce que c'est un bon film, un grand film, un très bon film? C'est quoi pour vous ? C'est un bon film. C'est un très bon film. Quand on sait... Qu'est-ce qui vous touche dans ce film-là, vous ? Que c'est le dernier film de Marilyn Monroe. Oui, mais au-delà. Quand on voit ce film, on sait que c'est le dernier et on voit sur le film, sur son visage, sur ses expressions, sur sa moue, sur son corps, sur sa façon d'être, son enfance quand elle est dans la nature, autour de l'arbre, on voit le désespoir bouleversant de cette femme. Bon, et c'est quand même ça. Le sujet du film, c'est ça. C'est pas un truc qu'on invente. Ça se voit sur l'écran. C'est joué, c'est sa voix qu'on entend, c'est son visage qu'on voit, c'est sa fragilité qu'on voit, dont le film nous fait cadeau. Alors, dire comme Spoto que c'est un film contre Marilyn, non, c'est un film qui nous montre que Marilyn est en mesure, malgré tout ce qui se passait, et malgré sa santé, ses problèmes de santé, hein, elle venait de sortir d'un tournage très long, avec Billy Wilder, elle était fatiguée, elle était épuisée, elle avait eu des ennuis physiques, des opérations, elle a passé une semaine en clinique à Los Angeles, en plein tournage. On voit bien qu'elle donne le meilleur d'elle-même, quand même. C'est bouleversant. Quand on aime les acteurs, comme j'aime les acteurs, les actrices, on voit bien quand même que ce rapport entre un metteur en scène qui vous filme et qui vous aime, parce qu'il veut obtenir de vous le meilleur, et ce qui est en mesure de donner une star, on voit bien que c'est un rapport de complicité amoureuse, c'est évident. Même si Houston en a bavé d'attendre tous les matins que Marilyn veuille bien venir sur le plateau, vous voyez. Il a dû avoir aussi fort affaire avec d'autres, avec sa longue carrière, des comportements de stars, il a dû connaître aussi. Mais on en connaît les stars aujourd'hui. Ben oui. Alors puisqu'on parle des stars et du casting, je voudrais pas quand même qu'on oublie les deux hommes. Oui. Un peu désaxé finalement par rapport à leur bio. Clark Gable, il est un peu finissant quand même. Il a 60 ans, vous imaginez. Ouais. Non, mais vous imaginez. Oui, mais dans la vie, ça paraissait finissant à l'époque. Il a pas vu le film. Non. Il n'a pas vu le film. Il n'a jamais vu les Misfits. Il est mort deux jours après la fin du tournage. Et il n'a que 60 ans. C'est un jeune homme. Enfin, c'est un bon aujourd'hui. Il est plus jeune que moi. Vous voyez. Bon. Et Monty Clift. Montgomery Clift. Parlons-en. On rappelle ce visage dans La Loi du Silence d'Hitchcock, c'est ça? I Confess. Notamment I Confess. Ce visage, il est extraordinaire. C'est le plus beau visage du cinéma américain. Je dirais que c'est l'équivalent de Marilyn en homme, pour moi. C'est l'homme le plus bouleversant, c'est l'homme le plus tourmenté du cinéma américain. Il a fait 17 films. Il est d'une fragilité incroyable. Il casse la virilité. Il casse le côté viril des acteurs de l'époque. John Wayne, par exemple. C'est l'anti-John Wayne. Ouais. Mais c'est intéressant quand même. Mais il a joué avec John Wayne. Oui, je sais bien. Dans un film de Walsh, magnifique. Donc c'est ça, dont le casting est fait aussi pour ça. Clark Gable incarne l'homme fort, mature, le père qu'on a envie d'avoir. Et Monty Clift, c'est le garçon efféminé, fragile, cabossé, qui fait du rodéo et qui d'ailleurs s'est blessé au visage, donc il a un bandeau tout le long et qui a un regard complètement sublime, quoi, pour moi. Eh ben, lui aussi va pas vivre très longtemps, quoi. Non, il a eu un accident très grave de voiture. Il est défiguré. Vous savez que Elizabeth Taylor était folle amoureuse de lui. Évidemment, c'était un amour impossible. Enfin, du moins, pas possiblement réciproque. Moi, je trouve que ça reste aujourd'hui une des très grandes stars du cinéma américain, quoi. Et marqué, lui, comme Marilyn, par l'acteur studio. C'est-à-dire par la méthode. Voilà. La fameuse méthode. Et sur le tournage, si vous regardiez revoyez les photos des photographes de Magnum, on voit tout le temps dans chaque photo presque Paula Strasberg qui est là et qui est l'ennemi absolu de Houston et de Arthur Miller. C'est la dame en noir, on l'appelle le baron noir sur le tournage. Elle est là toute habillée en noir avec un chapeau. Il fait 40 degrés et parfois plus sur le désert de Reno. Et elle est la personne qui coach Marilyn tout le temps, quoi. Et cette complicité entre Marilyn et sa coach énerve au plus haut point John Houston, parce qu'il a le sentiment qu'il n'a pas accès lui-même à la star, qu'il faut qu'il en passe par elle, et il la déteste. C'est embêtant pour le patron. Hein. Ah, c'est très embêtant. Bon. On va terminer en écoutant, alors on va vraiment terminer comme ça, en écoutant comment le film a été reçu. Sa sortie, c'est une archive du 8 avril 1961, c'est une critique du film désaxé à la radio à l'occasion de sa sortie en salle. Autre événement d'importance hier à Paris, c'était la première du film Les Désaxés. Monique Berger. Il faudrait un certain recul au chroniqueur le mieux averti pour porter un jugement opportun sur ce film. À coup sûr, c'est l'œuvre la plus étonnante, la plus émouvante de toute la production américaine depuis une année. C'est une autobiographie simultanée, et de Arthur Miller, et de Marilyn Monroe, et de Clark Gable, tous à la fois. C'est un chant d'amour et un aveu d'impuissance. La constatation que tout peut être sauvé, mais que tout est truqué au départ. Un film, une œuvre plutôt, d'une philosophie immense et d'un extrême enfantillage. D'un enfantillage poussé du reste jusqu'au désespoir. Serge Toubiala, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes assez d'accord, hein? Ah oui, je suis d'accord. Non, parce que là, en plus, je suis d'accord. Elle le dit au moment où le film sort, donc elle n'a aucun recul. Bien sûr. Nous, on en a beaucoup avec le temps. Non, elle a raison. L'enfantillage, c'est très juste. C'est-à-dire que c'est vraiment Marilyn, le personnage de Marilyn et Roselyne est un enfant perdu parmi les adultes, avec la nature, les chevaux, la violence. Aujourd'hui, on dirait, oui, elle est en prise avec cette violence des hommes sur la nature. Et elle défend un peu je dirais pas, elle est presque une héroïne écologiste, enfin, on va dire. Mais moi, je trouve que c'est un beau film, oui. C'est un film qui reste comme une marque, une trace du passage de Marilyn dans le cinéma et qui est un passage sublime, quoi. Merci infiniment, Serge Toubiana, de nous avoir parlé de ce film avec beaucoup de plaisir. J'ai l'impression que vous y prenez beaucoup de plaisir. Puis j'ai adoré faire ce livre avec les photographes Magnum. On a aimé vous recevoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.